pa bossi nou ka fè moun pale sou nou. Lè de moun konprann parol pa soufri sa se pa wòl ti nèg ekande. Gen moun ka pepe di jounen mwen menm mwen pa fè di jounen pam. Imbécile se sot ki pa bay devan pòt tounen deye kay. Moun nan kanpe la pe gade ou se zafè ou la pou gade. Espion kap veye trip bon pa bon, se nou kap fè moun pale sou nou. Lè de moun konprann parol pa soufri sa se parol ti nèg ekrive. Yen moun kap pepe di jounen mwen menm mwen pa pè di jounen pam. Imbécile se sot ki pa bay devan pòt tounen deye kay. Moun nan kanpe la pwive yo si zafè ou la pale. Chimé Taïwan, wap mache pa le malo.